qui ont différentes personnalités, qui ont différentes fonctions, des gens qui pourront éventuellement, à cause de leur contact avec moi, soit par le plan de certains écrits personnalisés, des gens qui pourront facilement absorber mon matériel et le retransmettre dans le social. Le plan de ce développement-là est encore en suspension. Et il nous prend par surprise. Dernièrement, j'ai demandé de former une alliance, c'est-à-dire de former un team pour pouvoir, dans l'avenir, continuer un certain travail. Et ces alliances, ces teamwork, ils seront à double personnage. Il y aura toujours deux personnes dans la structuration de ce travail. Croteau, Madame Nibson, peut-être Monsieur Roy avec Monsieur Croteau, comment il s'appelle, Monsieur Ménard avec Monsieur Roy, avec Monsieur Croteau. Il y a toute une affinité vibratoire qui doit être développée. Et Madame Hélène Boisvert. Là où ces gens-là porteront dans le social du matériel que je ferai pour eux, il y aura un teamwork. Pour qu'il y ait toujours deux vibrations explicatives. Une vibration qui peut facilement pénétrer et déchiffrer l'occulte, autrement dit, rendre l'occulte compréhensible, et une autre vibration qui sera d'ordre psychologique et qui pourra se fondre avec l'occulte pour que l'homme puisse comprendre à la fois la dimension psychologique et la dimension interne de l'homme. Donc, il y aura toujours une personne, comme dans le cas de Croteau ou de Mme Lipson, où M. Croteau représente, de mon point de vue, la dimension occulte, Mme Lipson, la dimension psychologique et la fonte de ces deux vibrations pour que le portrait qui sortira du matériel que je donnerai dans l'avenir ne soit pas biaisé, que le portrait ne soit pas simplement occulte ou qu'il ne soit pas simplement psychologique, afin de détruire complètement les fondations philosophiques de la connaissance pour que l'homme puisse comprendre la connaissance en fonction de la vibration interne qui lui est propre et aussi pour que l'homme puisse être rassuré sur le plan psychologique de la valeur foncière vibratoire de cette connaissance. Donc, ça prendra absolument deux personnes pour travailler ensemble. J'ai commencé, là j'ai découvert dernièrement deux personnes, je découvrirai les autres combinaisons. Et au fur et à mesure que le temps viendra où ce sera le temps que ces groupements à deux soient formés et deviennent actifs, je le laisserai savoir et je créerai les conditions pour que le travail se fasse. Ce que je demande au public, c'est de réaliser que pour des gens qui travaillent ou qui vont, si vous voulez, diffuser dans le public du matériel que je n'ai pas encore rendu public, il faut que le public soit suffisamment conscient de, non pas nécessairement de l'importance de leur activité, mais aussi du poids sur leurs épaules de leurs activités. Autrement dit, ce n'est pas facile à deux personnes ou à une personne de me remplacer. Alors, si une personne ou deux personnes me remplacent, à ce moment-là, il faut que les gens soient suffisamment conscients, suffisamment ouverts d'esprit, suffisamment équilibrés dans l'émotionnel et dans le mental pour donner une chance à ces gens-là de s'ajuster à vos vibrations pour qu'ils puissent enfin canaliser le matériel qui sera de plus en plus difficile et de plus en plus révélateur de la condition de l'homme, des mystères de l'homme, ainsi de suite. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai créé le terrain, j'ai créé un terrain propice à la réception de l'instruction qui va très loin dans le temps et il faut que des gens soient capables éventuellement de reconnaître la valeur foncière de certains individus malgré les personnalités ou les failles dans les personnalités qui puissent rendre leur travail un peu moins facile que le mien, ainsi de suite. Et lorsqu'il y a correspondance, concordance entre les gens qui feront ce travail et le public, que ce soit un public interne ou que ce soit un public externe, parce qu'éventuellement il y aura des gens qui iront dans le public externe, qui ne seront pas des séminaristes, à ce moment-là, nous verrons la manifestation sur le plan matériel de ce que j'appelle l'alliance de l'école internationale. Une alliance internationale, autrement dit, une projection dans le monde, dans différentes nations, éventuellement, de cette instruction, par des voix qui seront capables à ce moment-là de bien canaliser le matériel, qui est très difficile à canaliser. Alors, ces gens seront obligés d'abord de lire ou d'entendre selon que je fais sur des cassettes ou sur du papier, du matériel, et prenant leur vibration, ils pourront faire la synthèse de ce matériel et continuer mon travail, parce que moi, je dois faire autre chose. Alors, je vous demande, je sais qu'il y a une rencontre, je pense, la semaine prochaine, vendredi prochain, avec M. Greteau et Mme Gibson, et je demande à ceux qui iront à cette rencontre d'être conscients que ce n'est pas un travail facile. On sait déjà que M. Greteau a une infirmité d'ouïe, qui fait partie aussi, pour laquelle il y a certaines raisons, et que Mme Ibsen aussi a une infirmité d'ouïe. Donc, ces gens-là, déjà sur le plan psychologique, sur le plan matériel, sont dénués de certaines capacités normales que nous possédons, mais qui leur donnent aussi une certaine sensibilité que nous n'avons pas. Avant que je l'oublie, j'oublie. Je veux expliquer ce soir d'une autre façon. Je veux expliquer ce soir la relation entre l'insécurité psychologique, le double et la transmutation. L'insécurité psychologique fait partie de la conscience inférieure de l'homme planétaire. L'homme planétaire, c'est l'homme qui n'est pas habitué à la conscience cosmique. C'est l'homme qui n'a pas été infusé de la conscience cosmique. C'est l'homme qui possède de l'émotion dans son mental. C'est l'homme qui n'est pas capable de savoir par lui-même qu'il est parfaitement en équilibre de l'énergie qui traverse ses corps. Donc, qui ne peut pas se servir de cette énergie et qui automatiquement crée chez lui ce que nous appelons l'insécurité psychologique. Tous les hommes ont de l'insécurité psychologique. C'est foncier à la nature humaine, c'est foncier à la nature planétaire de l'homme. Ce n'est pas l'insécurité psychologique chez l'homme qui est le problème. C'est la façon dont il la conçoit, dont il l'interprète, dont il la voit. C'est son incapacité de la réaliser en fonction de la transmutation et en fonction de la fusion éventuellement avec son double. L'insécurité psychologique chez l'homme doit être vue, regardée, observée seulement d'un point de vue. Et ce point de vue, c'est celui-ci. L'homme doit réaliser que son insécurité, ses insécurités, à tous les niveaux, là où en lui il y a insécurité, il doit se faire un travail par le double. Là où il y a dans l'homme de l'insécurité, le double doit faire un travail. Autrement dit, l'insécurité dans l'homme, elle est utilisée et elle sera utilisée par le double jusqu'à la fin du cycle, jusqu'à temps que l'homme passe à la transmutation totale. Donc, l'insécurité chez l'homme, elle est très importante dans ce sens qu'elle fait partie de la coordination vibratoire entre le mental et l'émotionnel, et souvent le vital et le physique, s'il y a infirmité, ainsi de suite. Donc, tout ce qui dans l'homme crée de l'insécurité psychologique, un malaise psychologique, et sera utilisé dans les années à venir par le double. Donc, dans les années à venir, l'homme sentira que le double ira chercher en lui, lui fera monter en surface quelque insécurité qui soit en lui, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus aucune insécurité dans lui. Lorsqu'il n'y a plus d'insécurité dans l'homme, lorsqu'il n'y aura plus d'insécurité dans l'homme, à quelque niveau que ce soit, sous quelque face que ce soit, l'homme sera fusionné. Donc, l'insécurité de l'homme est la mesure, la perte de l'insécurité chez l'homme est la mesure, la diminution de l'insécurité chez l'homme est la mesure de sa fusion. Et plus l'homme perd son insécurité, plus il devient conscient, plus il devient intelligent, mieux et plus il est dans sa peau. Et plus il entre dans l'énergie de son double, plus il se rapproche de l'état de fusion, plus il atteint l'état final, terminal de la fin du cycle, plus il est prêt à passer à l'éther. Donc, le phénomène de l'insécurité n'est pas un phénomène que nous devons regarder, nous les hommes, comme étant une condition psychologique inférieure de l'homme, mais c'est un phénomène que nous devons regarder et concevoir comme étant un état naturel de l'homme planétaire. L'homme planétaire est insécure. Il ne peut pas être autrement parce qu'il n'a pas d'intelligence pour comprendre les raisons de son insécurité. Il ne réalise que les causes de son insécurité, s'il est chanceux. Et ce ne sont pas les causes de l'insécurité chez l'homme qui sont importantes, ce sont les raisons de l'insécurité chez l'homme. Les causes de l'insécurité chez l'homme peuvent être comprises en fonction de l'observation psychologique de l'homme vis-à-vis de la mémoire de sa vie matérielle. Naissance d'une famille pauvre, naissance de parents qui l'ont bafoué, manque d'éducation parce qu'il n'y avait pas d'argent dans la famille, ainsi de suite. Je vous donne des exemples. Alors, ce n'est pas la cause de l'insécurité, ce n'est pas la loi de la cause et d'effet qui est importante, c'est la raison derrière la cause et d'effet. Et la raison derrière la loi de cause et d'effet fait partie de l'intelligence du double, et cette raison, elle est immuable. C'est-à-dire que cette raison, elle fait partie du plan de vie de l'homme, elle est intégrée dans toutes les circonstances atténuantes de la vie de l'homme, et l'homme devra un jour réaliser totalement et parfaitement les plans à l'intérieur desquels il sort de son insécurité. L'homme devra un jour voir que, effectivement, avant, il avait telle insécurité, telle insécurité, telle insécurité, et que l'insécurité, avec le temps, disparaît. Et aussitôt que l'homme en arrive à réaliser consciemment, sur le plan vibratoire, qu'il a perdu une certaine insécurité, automatiquement, l'homme entre dans une plus grande confiance de lui-même. Donc, il est en plus grande confiance avec tout ce qui lui sera permis de sentir de par le double. Autrement dit, plus l'homme prendra conscience du double, plus il vivra le vide. Et qu'est-ce que le vide crée chez l'homme? Il crée l'insécurité. Pourquoi? Parce que l'insécurité, c'est le phénomène d'essayer toujours de remplir le vide. L'insécurité chez l'homme, c'est le phénomène d'essayer de remplir le vide. Donc, l'homme, dans la vie matérielle, essaie de remplir le vide constamment, le vide étant la conscience du double. Alors, comme le vide n'est pas structuré et que l'inconscience est structurée, l'insécurité de l'homme au cours de notre vie, c'est de remplir constamment ce vide. Donc, nous allons à l'école pour avoir de l'éducation, nous faisons un travail pour avoir de l'argent, nous faisons tout en fonction de remplir le vide, c'est-à-dire de nous donner à notre personnalité une certaine couleur, c'est-à-dire de nous donner une certaine qualité qui, socialement parlant, peut ne pas nous donner d'être en déséquilibre avec le reste de la société. Donc, le phénomène de l'insécurité, c'est un phénomène d'égalisation, c'est un phénomène qui veut que l'homme cherche constamment à égaliser sa relation au niveau valoriel, sur le plan social, avec les autres hommes, selon la société dans laquelle il meut, dans laquelle il évolue. Mais ça, c'est une illusion. Mais c'est une illusion qui est réelle, dans ce sens que c'est une illusion qui porte à la souffrance, c'est une illusion qui est la souffrance de l'homme, c'est la souffrance existentielle de l'homme, et l'homme n'y peut rien jusqu'au moment où le double a suffisamment rajeuni son état d'être pour le rendre conscient du fait que l'insécurité en lui n'existe plus parce qu'il y a une relation constante entre l'activité du double et l'activité émotionnelle et mentale de l'homme. Si l'homme est capable de réaliser dans sa vie que l'activité du double est toujours derrière l'activité mentale et émotionnelle de l'homme, à ce moment-là, quelle que soit la nature de l'insécurité chez l'homme, elle ne créera pas chez lui ce voile qui fait qu'il a toujours l'impression d'être en dessous de sa station. Mais l'homme ne peut pas être à sa station avant d'avoir subi le travail constant du double sur lui. Et le double étant une partie éternelle de l'homme, étant une partie parfaite de l'homme, plus ou moins évoluée, ce double a la capacité de transiger avec le mental et l'émotion de l'homme jusqu'à temps que l'homme ait vécu la fusion avec lui, ce qui donnera à l'homme de la sixième race de pouvoir sur la terre. Donc, il est normal que l'insécurité chez l'homme dure jusqu'à temps que l'homme ait vécu la transmutation. Et cette insécurité, elle est nécessaire, elle fait partie du contrat, du mandat de la fusion entre l'homme planétaire et l'homme cosmique pour qu'un jour l'homme planétaire soit suffisamment conscient pour qu'il perde conscience planétaire et qu'il n'ait que conscience cosmique. À ce moment-là, l'homme sera capable de canaliser l'intelligence du double, il sera capable de canaliser la volonté du double, donc il sera dans la volonté cosmique et l'intelligence cosmique. Il n'aura plus de besoin de se rappeler sur le plan matériel d'où il vient, d'où il naît, quelles sont les conditions antérieures de sa vie. Il ne vivra que dans le présent du double parce que le présent ne vit pas dans le passé, il ne vit pas dans le futur. Il ne vit que dans le présent. Et ne vivant plus dans le passé et ne vivant plus dans le futur, l'homme pourra, sur le plan psychologique, voir, sentir, réaliser que la vie sur le plan matériel, elle est bonne et qu'elle n'est que le début d'une vie plus vaste, plus étendue dans l'expérience totale de l'humanité qui va vers l'éthérique. Mais l'insécurité est très importante. Aucun homme, sur le plan matériel qui n'est pas en fusion, peut dire qu'il n'a pas de l'insécurité. Souvent, l'insécurité, elle est cachée. Elle peut être cachée sous la finance, elle peut être cachée sous le pouvoir politique. Mais l'insécurité se mesure toujours dans le conflit. L'insécurité ne se mesure pas en dehors du conflit. C'est dans le conflit. Je vous donne un exemple. Prenons l'homme qui joue aux échecs. L'homme qui joue aux échecs avec un partenaire commence à jouer et apparemment il est bon. Oh, il a l'impression d'être bon, il a l'impression d'avoir suffisamment de vertu aux échecs pour peut-être battre son partenaire. Et tout à coup, il s'aperçoit que whoop, son partenaire est plus fort que lui. Qu'est-ce qui se produit? Il se produit une vibration. Alors, cette vibration naît de l'insécurité. Je vous donne un exemple graphique, simple. Alors, l'insécurité se réalise dans l'homme dans le conflit. Et elle se réalise aussi dans l'homme dans sa mémoire. Donc, il y a deux avenues dans la vie de l'homme où il peut réaliser l'insécurité. C'est dans son contrat, dans sa relation avec les hommes ou dans sa mémoire. Et le double agira sur les deux plans. Le double agira contre la mémoire de l'homme et il agira aussi dans l'expérience entre l'homme et un autre homme. À ce moment-là, l'homme pourra jouer aux échecs et le double lui fera perdre, même s'il est fort. Pour voir s'il y a en lui une résistance à l'activité du double, autrement dit, la résistance à l'activité du double étant la vibration qui créera en lui l'insécurité. Autrement dit, de l'insécurité, c'est une résistance à l'activité du double. Aussitôt qu'il y a dans l'homme de l'insécurité, c'est une résistance à l'activité du double, c'est une résistance de l'homme planétaire à l'homme cosmique, c'est le pouvoir de la nature animale de l'homme sur la nature cosmique de l'homme. Éventuellement, il y a renversement, c'est normal, c'est la transmutation. L'homme n'est pas suffisamment conscient du double, encore, ou il en prend conscience, pour réaliser que le moindre des mouvements dans la vie de l'homme, la moindre activité vibratoire, psychique, énergétique dans la vie de l'homme provient de l'activité du double. Mais c'est la réaction à cette activité qui crée dans l'homme le désarroi, parce que cette réaction à l'activité du double est ce qu'on appelle, nous, la conscience psychologique subjective de l'homme. Alors, cette conscience psychologique, faisant partie de la réaction normale, émotive et mentale de l'homme contre l'action du double, est ce qui crée chez l'homme la souffrance existentielle, est ce qui crée chez l'homme l'impuissance. Parce que aussitôt que l'homme vit l'insécurité, il doute sa nature. Là où l'homme vit l'insécurité, il doute sa nature. Et doutant sa nature, il perd sa nature. Donc, il perd le pouvoir du double sur l'homme planétaire. Et c'est pourquoi souvent les gens vont dire, j'en ai ras-le-bol de la souffrance, j'en ai ras-le-bol de ci ou j'en ai ras-le-bol de ça, et je les comprends, ainsi de suite, mais je ne peux pas sympathiser avec l'homme planétaire. Alors, je dis, ben oui, c'est normal, ça va se tasser, bon, bon, bon, bon, bon. Et l'homme planétaire doit en arriver un jour à réaliser que dans la souffrance créée par l'insécurité, à cause de l'activité du double contre son mental et son émotionnel, il doit avoir un jour suffisante intelligence, suffisante clarté dans son esprit pour réaliser que cette insécurité, cette souffrance, elle fait partie du travail du double et qu'elle est nécessaire, qu'il n'y a pas d'autre voie dans la transmutation que la destruction totale de l'insécurité. Autrement dit, si on me demande qu'est-ce que c'est la transmutation de l'homme, parce qu'on a tellement longtemps parlé de la transmutation et on a tellement idéalisé cette transmutation. Si on me demande qu'est-ce que c'est la transmutation, c'est la destruction totale de l'insécurité, et je vous assure que ceux qui vivront la transmutation seront poussés au mur de la réflexion, c'est-à-dire ils seront poussés au mur d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils seront poussés à la limite de l'homme planétaire. Et ce sont ces gens-là qui passeront à travers. Ceux qui ne pourront pas passer à travers ne pourront pas passer à travers et leur vie sera vécue dans un niveau de conscience plus élevé que la masse, mais leur vie sera vécue tout de même en relation, en fonction des forces en eux qui leur amèneront un jour la mort mortelle. Et les lois du double, les lois de l'énergie, les lois de l'homme cosmique ou les lois de l'homme réel ou les lois de l'éther ou les lois de la pensée qui n'est pas rendue humaine. Qu'est-ce que c'est le double? Le double, ça n'existe pas. Le double, c'est un mot qu'on a inventé par le biais de l'expérience astrale. Le double, c'est un mot qu'on a inventé par le biais de l'expérience astrale. Donc, le double n'existe pas. Qu'est-ce que c'est le double? Le double, dans le fond, ce n'est pas une réplique de l'homme matériel. Le double, c'est une énergie qui crée une pensée et la pensée est l'homme matériel. Elle est représentative, elle est la même que l'homme matériel. Le double, c'est une pensée. Remember this. Le double, c'est une pensée créée par l'énergie. Donc, il n'y a aucune relation entre le double et le corps astral. Il n'y a aucune relation entre la projection psychologique astrale de l'homme, d'un dédoublement de lui-même, donnant naissance à un homme qui est cosmique. Le concept de l'homme cosmique est un concept humain. Ce n'est pas de la réalité de ce concept-là. Quand nous disons que dans l'homme, il y a un être cosmique, qu'est-ce que nous voulons dire? Nous disons que dans l'homme, il y a une énergie qui crée une pensée qui est l'homme cosmique. L'homme cosmique, c'est une pensée créée par l'énergie de l'intelligence. Cette pensée, à cause de son pouvoir, à cause de son extension dans les différents temps, peut emprunter la forme du corps matériel. Et c'est pourquoi nous appelons cette pensée l'homme, le double. Donc, par exemple, lorsque le Nazaréen se sort des frontières de la mort et qu'il se représente à ses apôtres à Jérusalem ou à Nazareth ou dans le coin, ce n'est pas réellement un double, c'est la pensée créée par l'énergie qu'il voit. Et ça, c'est son double. Et c'est ça l'homme cosmique, parce que l'homme cosmique, c'est toujours une pensée créée par l'énergie. Mais nous voulons toujours, à cause de nos sens et à cause de notre insécurité psychologique, nous voulons toujours créer une extension dans le temps de nous-mêmes. Et l'extension dans le temps de nous-mêmes que nous voulons créer, nous lui donnons un nom et nous l'appelons immortalité. Et pourquoi nous donnons le terme d'immortalité à ce concept? C'est parce que nous avons peur de mourir. L'homme qui recherche l'immortalité est un homme qui a peur de mourir. C'est subtil, l'immortalité. Quand on veut être immortel, c'est parce qu'on a peur de mourir. Mais quand on a peur de mourir, c'est parce qu'on a de l'insécurité. Et si nous vivions en dehors de notre conscience corporelle, si nous prenions expérience autre que notre expérience astrale, nous nous réaliserions comme étant naturellement nous-mêmes, parce que la pensée créée par l'énergie, c'est l'homme cosmique, mais la dimensionnalité de cette expérience ne serait pas celle qui nous est chère sur le plan matériel, en vertu de nos sens qui veulent qu'il y ait dans le monde une hauteur, une largeur et un certain volume. Donc, l'homme cosmique, ce n'est pas ce que nous pensons que c'est autre chose. Mais c'est encore plus grand que ce que nous pouvons nous imaginer. Alors, déjà, nous avons une certaine consolation à notre insécurité. Quand je dis que le but de l'instruction mondiale, c'est de détruire ce que l'homme a connu, ce que l'homme a pensé, ce que l'homme a même conçu, c'est dans le but de quoi? C'est dans le but d'élever la conscience de l'homme à un stage qui dépasse le stage de la mémoire et qui dépasse aussi le stage de la pensée qui est créée par l'insécurité psychologique de l'homme. Pour amener l'homme un jour à un état de non-réflexion totale, et c'est dans cet état de non-réflexion totale que l'homme cosmique, autrement dit l'énergie, qui crée la pensée, qui est ce que nous appelons le double, devient la partie qui s'imprime sur l'homme matériel au niveau de son cerveau et crée sur le plan matériel ou sur un autre plan une condition de l'évolution supérieure à ce que nous avons connu dans le passé. Donc, une continuité de conscience. Mais nous avons tendance à penser que la continuité de conscience part de la matière vers l'éthérique, lorsqu'en fait, la continuité de conscience part de là, vers la matière. Nous avons interprété l'immortalité comme étant le phénomène de l'homonisation de l'esprit, lorsqu'en fait le phénomène d'immortalité est la spiritualisation de l'homme. Mais pourquoi nous préférons, en tant qu'être qui pense, de concevoir l'immortalité ou le passage à l'éther comme le phénomène d'homonisation de l'esprit, c'est parce que déjà nous sommes dans la matière. Donc déjà nous sommes dans la sécurité de la matière. Donc déjà nous voulons demeurer dans la matière, quitte à avoir une meilleure place dans un autre plan. Donc nous jouons à l'insécurité Et nous essayons de nous créer psychologiquement, spirituellement, métaphysiquement, occultement, une sécurité en pensant qu'un jour nous partirons de la matière et que nous irons vers un autre plan qui est éthérique, amenant avec nous cette chère matière sur un autre plan afin de conserver sa forme. Donc, le jeu de l'insécurité dans l'homme, il est total, il est absolu. Pourquoi il est total et il est absolu? Parce que l'homme pense. Et pourquoi l'homme pense? Parce que l'homme n'est pas réel, c'est-à-dire que l'homme n'est pas constitué dans son mental par une énergie qui crée une forme, qui devient lui et qui se projette à travers son cerveau pour concrétiser dans la matière les lois de l'esprit, c'est-à-dire les lois de l'énergie, les lois de la réalité, afin que la mémoire de l'homme, le processus mental et le processus émotionnel de l'homme puissent s'imprimer de cette réalité-là. Donc, la vie de l'homme, qu'elle soit métaphysique, occulte, alchimique, quoi que ce soit, la vie de l'homme, elle est toujours vécue à l'envers. Et les hommes ont vécu la vie à l'envers pendant des siècles, et l'ésotérisme, c'est la finalisation de ce processus d'invertir la réalité. Mais l'ésotérisme, c'est tellement intéressant parce que ça sécurise tellement l'homme psychologiquement que c'est la dernière des œuvres créées par l'astral pour convertir l'homme à la religion de la matière. Et non pas le moindre. Mais l'homme, un jour, doit sortir de la religion de la matière. C'est-à-dire que l'homme, un jour, doit être capable de saisir dans l'instantanéité la pensée qui est lui-même sur un autre plan, la pensée qui est l'homme cosmique, et il ne doit vivre que de cette pensée. Mais pour qu'il vive de cette pensée, il faut qu'il annule la progression et la permanence de l'homme. Donc, il est obligé, pendant un certain nombre d'années, de vivre de l'insécurité qui est causée par la relation entre l'une et l'autre. C'est pourquoi l'insécurité que vous vivez ou que vous vivrez dans les années à venir, elle est essentielle, parce que c'est par l'insécurité que vous découvrirez que l'homme, ce que nous appelons aujourd'hui l'homme, est un être qui n'a aucune conscience personnelle. L'homme réel, l'homme cosmique n'a pas de conscience personnelle, parce que la conscience personnelle est le produit de la réflexion, de la pensée, autrement dit du double, sur le cerveau de l'homme pour faire vibrer des cordes en lui qui sont mentales et émotionnelles. Et l'homme n'est pas ceci. L'homme est autre chose. Alors, jusqu'à temps que l'homme planétaire puisse vivre la superimposition de l'homme cosmique, autrement dit, jusqu'à temps que l'homme planétaire puisse être totalement conscient, il sera obligé de vivre la dualité de cette conscience, et c'est la dualité de cette conscience qui crée en lui les mécanismes nécessaires pour qu'il ait constamment l'impression d'une insécurité quelconque selon les événements qui s'impriment dans sa vie et qui font réagir chez lui, dans le mental ou dans l'émotionnel, une certaine énergie qui fait partie de son insécurité. Le phénomène de l'insécurité psychologique de l'homme délimite le contour de l'homme planétaire. Comment voulez-vous que l'homme planétaire connaisse les lois de l'énergie? Comment voulez-vous que l'homme planétaire comprenne éventuellement les lois de, non pas de l'esprit, parce qu'un jour je détruirai la forme de l'esprit aussi, mais comment voulez-vous que l'homme planétaire comprenne les lois de l'intelligence s'il n'est pas capable de comprendre les limites de son insécurité? Si l'homme n'est pas capable de toucher au fond de son insécurité, ça va très loin, l'insécurité. Si je vous disais qu'un homme sur une planète, pour qu'il vive une vie parfaite, ne doit avoir aucune insécurité. Donc, le matériel qui se passe dans votre mental, dans le mental de l'homme, le matériel qui passe du double vers l'homme planétaire, tout le matériel qui crée dans l'homme une vibration, qui crée par la suite une insécurité, dès qu'il y a cette insécurité, l'homme prend conscience de quelque chose qui est plus grand que sa nature planétaire, mais qu'il n'est pas capable de faire, de vivre, de connaître, de reconnaître, parce qu'il est émotivement et mentalement attaché à la mémoire. Voilà pourquoi les hommes vivent des vies qui sont très, très petites. Puisque nous vivons dans une civilisation judéo-chrétienne, nous vivons dans une situation qui est construite de formes, de certaines formes différentes d'autres cultures, il est évident que les hommes qui vivent dans une société telle que celle-ci et qui prennent conscience du phénomène, de la relation entre l'énergie du double et la réaction psychologique, mentale et émotionnelle de l'homme planétaire, il est évident que ces hommes-là prennent conscience de quelque chose qui est plus grand que ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Et tous les hommes ont en eux, j'ai déjà fait matériel sur ceci, j'ai déjà parlé des fantasmes. Tous les hommes ont en eux des fantasmes. Tous les hommes ont en eux des choses qu'ils veulent vivre. Qu'est-ce que c'est un fantasme? C'est quelque chose qu'on veut vivre. Tous les hommes ont en eux quelque chose qu'ils veulent vivre. Et tant que les hommes n'auront pas vécu ce qui est en eux qu'ils veulent vivre, ils seront enchaînés par l'insécurité psychologique, mentale et émotionnelle, qui est la réaction de l'homme planétaire contre l'homme cosmique. Donc, ils n'auront jamais la capacité d'être pleinement conscients, de pleinement apprécier la vie et de pleinement apprécier leur vie et de voir que sur le plan matériel, comme sur d'autres plans, la vie peut être extrêmement enrichissante à tous les niveaux de l'expérience humaine. Pourquoi? Parce qu'il y aura en eux de l'insécurité qui retardera le pouvoir du double d'imprimer dans le cerveau des conditions de vie qui coïncident avec la pensée cosmique qui est, dans le fond, un homme cosmique. L'homme ne réalise pas que tout ce qui est créé dans le cosmos est une pensée matérialisée. D'ailleurs, l'homme ne sait pas qu'est-ce que c'est une pensée. Tout dans le cosmos est de la pensée. Et le phénomène de la pensée, ce que nous appelons la pensée, ce que nous connaissons, ce que nous connaissons en tant qu'expérience comme étant de la pensée, éventuellement, ce n'est plus de la pensée. Et lorsque la pensée cesse d'être de la pensée devient de la communication. Lorsque la pensée cesse d'être de la communication, elle devient la superposition du double sur l'homme planétaire. Et lorsqu'elle devient ceci, elle devient ce que nous pouvons appeler l'homme réel, manifeste dans la matière. À ce moment-là, il n'y a plus de dualité, il n'y a plus d'insécurité possible. Mais l'homme doit s'habituer à réaliser que sa pensée n'est pas de la pensée. L'homme doit un jour savoir que sa pensée n'est pas de la pensée. Et tant qu'il ne sera pas capable de vivre cet état mental où la pensée n'existe plus, il sera obligé de se fier à ses émotions et à son intelligence pour raccorder la différence dans le taux vibratoire de l'énergie entre son double et ses corps subtils. Donc, il sera forcé d'être dans un état inférieur de conscience. Il sera forcé d'être incapable de vivre sa vie à son paroxysme selon le pouvoir vibratoire de cette énergie qui est l'homme cosmique. Parce que l'homme cosmique dans l'homme, la pensée cosmique dans l'homme, n'a pas besoin de se manifester par communication pour que l'homme puisse la vivre. Elle peut se manifester simplement par vibration, soit sur le plan mental, sur le plan émotionnel, sur le plan matériel. Mais si l'homme est incapable de réaliser que cette pensée est énergie, comment voulez-vous qu'il puisse la canaliser à partir du mental, émotionnel et éventuellement la vivre sur le plan physique? Il ne pourra pas, parce qu'il y aura toujours une partie en lui qui voudra s'assurer que cette pensée, elle est bonne. Et ça, c'est la grande erreur de l'homme. Tous les hommes veulent s'assurer que leurs pensées sont bonnes. Et aucun homme ne réalise que toute pensée est mauvaise. Donc, même si une pensée est bonne, elle est mauvaise, parce qu'elle est, elle est formulée dans son énergie en tant que pensée. Donc, toute pensée est mauvaise. Mauvaise dans le sens que toute pensée empêche l'homme de vivre en dehors de la mémoire. Donc, toute pensée sert à encapsuler l'homme dans une émotion, parce que la fonction de la pensée sur le plan planétaire, c'est justement de créer de l'émotion dans l'homme. C'est la pensée qui a fait vibrer dans l'homme l'émotivité. Et qui l'a naturellement enchaîné, incarcéré dans une dimension psychologique que nous appelons, nous les hommes aujourd'hui, l'insécurité psychologique. Alors, l'homme doit un jour ne plus pouvoir, ne plus jamais s'intéresser à sa pensée. Et ça, c'est très subtil. Parce que si l'homme ne s'intéresse pas à sa pensée, à ce moment-là, il est obligé de la vivre en l'extériorisant. Et dans la phénoménalisation de l'homme de la sixième race, là où l'homme extériorise au lieu de vivre intérieurement, on s'aperçoit qu'il perd conscience de lui-même en tant qu'ego. Il prend conscience de lui-même en tant que totalité, c'est-à-dire en tant que réunion parfaite de ce qui est cosmique et de ce qui est planétaire. Nous sommes très, très, très attachés à nos pensées. Parce que nos pensées sont la mesure de notre être planétaire. Et comme nos pensées sont en elles-mêmes mauvaises, pas mauvaises dans le sens moral du terme, mauvaises dans le sens que nos pensées, tant qu'elles ont une qualité subjective, réfléchissent notre mémoire. Donc, assujettissent nos émotions et assujettissent notre mental à des conditions de vie qui sont inférieures à ce que l'homme peut vivre. Donc, elles sont mauvaises. Et si l'homme n'est pas capable de réaliser que ses pensées sont mauvaises dans ce sens, il ne pourra jamais sortir de la confrontation qui existe entre le double et l'homme planétaire. Donc, il sera constamment prisonnier de cette dualité qui a été la condition permanente de l'homme de la cinquième race. Mais vivre le vide mental, c'est une expérience que l'on connaît avec les années, avec le temps, au fur et à mesure que cette pensée cosmique qui est l'homme cosmique, qui est le double, pénètre suffisamment et s'imprime suffisamment dans le cerveau de l'homme. Mais l'homme a tendance à toujours revenir sur lui-même, toujours confirmer, vouloir confirmer ce qui lui a passé par l'esprit. Et ça, c'est une très mauvaise habitude. C'est une très mauvaise habitude parce que vouloir confirmer quoi que ce soit en soi fait partie de l'insécurité. Et si je vous dis que l'insécurité est proportionnelle à l'absence d'intelligence totale, ça dit tout. Ça dit tout. Donc, si vous cherchez à confirmer en vous, dans votre mental ou par l'intervention d'autres, ce que vous avez reçu de la partie cosmique en vous, à ce moment-là, vous vivez du doute, vous vous nourrissez du doute, vous voulez éteindre le doute et vous créez constamment le support dont a besoin l'émotionnel et le mental pour vivre l'insécurité. Donc, vous continuez à diminuer constamment votre intelligence au profit de votre mémoire, de votre sécurité psychologique, qui en fait n'a aucune fondation sécuritaire, puisque l'homme planétaire n'a aucune sécurité devant l'homme cosmique. Alors, dans l'expérience de tous les jours, dans l'expérience quotidienne de votre vie, dans les années, parce que c'est pas fini la transmutation, alors, dans l'expérience des années qui viennent, il est évident que l'homme sera obligé à un certain stade, à un certain moment, de constater l'inébranlable réalité que tout qui est vie commence en lui, pour lui et envers lui en fonction des autres. Autrement dit, l'énergie créative du double qui pousse l'homme planétaire dans une certaine direction fait partie du pouvoir du double sur l'homme planétaire pour neutraliser le mental et l'émotionnel, mais toujours en fonction d'un équilibre extérieur. Le double ne détruit jamais. L'homme planétaire détruit, mais le double ne détruit pas. Le double est très patient. Mais lorsque l'homme peut vivre du double, peut vivre de l'intelligence qui n'est pas pensée, à ce moment-là, il est capable de vivre sa vie selon la formulation qu'exerce sur son mental le double, pour en arriver un jour à décrocher des aspects d'expérience qui sont nécessaires à la correction constante de ses énergies pour qu'un jour il puisse facilement vivre l'expérience totale du double, c'est-à-dire la fusion. Il y a des expériences que l'homme doit vivre dans la vie. Il y a des expériences que tous les hommes doivent vivre dans la vie. Et il y a beaucoup d'hommes qui se refusent pour toutes sortes de raisons qui ne sont pas nécessairement intellectualisées, mais des raisons qui souvent ont leur racine dans un état émotif quelconque, se refusent de vivre certaines expériences parce que ils confrontent la valeur de ces expériences socialement avec des valeurs qui sont anciennes et qui font partie de l'historicité de notre culture, de celle de la cinquième race. Donc, ils se condamnent eux-mêmes à vivre selon l'opinion d'une majorité et automatiquement coupent leur lien affectif avec eux-mêmes, qui est le double. C'est pourquoi dans les années qui viendront, et tout ceci fait partie du plan de vie de chaque homme, dans les années qui viendront, il y aura des hommes qui seront forcés de vivre des expériences qui qui devront être maintenus dans un certain contexte de réserve, parce qu'il est évident que les hommes ne pourront pas comprendre ces expériences. Et ces hommes, dans ce temps, seront prêts, seront suffisamment intelligents pour vivre ces expériences sans que d'autres fracas soient créés autour d'elles, mais qui leur bénéficieront d'une façon totale, sur tous les plans de leur expérience. Mais ces expériences ne seront vécues qu'en fonction de la distance entre l'insécurité et eux-mêmes. Il y a plusieurs façons de regarder l'insécurité. Nous pouvons voir l'insécurité comme une situation créée par le double pour la fusion. Nous pouvons voir l'insécurité comme étant une condition planétaire existentielle de l'homme qui a existé depuis très longtemps. C'était normal. Et nous pouvons voir l'insécurité comme étant une condition à la fin d'un cycle qui sera utilisée totalement et absolument par les forces cosmiques pour détruire ce que nous appelons les conditions inférieures de l'homme planétaire. Autrement dit, ce sont les conditions de l'insécurité psychologique de l'homme qui sera utilisée à brûle pour point par le double. Ceux parmi vous qui iront plus loin dans la vie que la mort matérielle, ou ceux qui iront plus loin dans la vie que la conscience planétaire, vivront l'insécurité à son maximum. À son maximum. Dans tous ses aspects. Je vous l'assure, vous n'avez pas de choix. N'oubliez pas que le double est intelligence. Le double est intelligence. Il est intelligence. Le double, c'est l'intelligence, c'est l'énergie manifestée sur un certain plan qui devient vocationnel, qui a le pouvoir de contrôler les conditions inférieures de l'évolution. Le double est intelligent. Et l'homme est assujetti à cette intelligence quand il va vers la fusion. C'est pourquoi l'insécurité chez l'homme, elle est essentielle à la transmutation. Essentielle. Et Dieu sait s'il y a de l'insécurité chez les hommes. C'est inouï. Mais nous avons une mauvaise habitude. C'est que nous essayons toujours de détruire ou d'annuler ou de corriger notre insécurité. Il ne s'agit pas pour l'homme de corriger ou d'annuler ou d'essayer de combattre son insécurité. Il s'agit pour lui de la vivre. Vivez là votre insécurité. Vivez-en la souffrance de votre insécurité. Si vous la vivez, votre insécurité, vous vivrez sa destruction. Mais si vous voulez la combattre, votre insécurité, vous la renforcerez. Ceux qui essaient de combattre leur insécurité la renforcissent.